Bon après-midi. Bonjour. Bon, la première tempête a ses effets. Daniel, est-ce que première question, est-ce que tu peux revenir ou expliquer encore les principes de la dissonance cognitive? Oui. Alors, explique, on attend, on écoute. Je vais dessiner. Aujourd'hui, le sujet auquel on va discuter est un sujet qui peut créer des fièvres mentales, des fièvres psychologiques. Et pour arriver à parler de ce sujet-là sans créer de fièvre, sans créer de panique psychologique, il faut faire des petits retours en arrière, puis effectivement réexpliquer certaines mécaniques, dont la dissonance cognitive. Très bonne question de départ. Je te prie ça. Je n'ai pas de mérite. Nous en sommes convaincus. Bon, fondamentalement, il y a des lois qui régissent les structures de l'humain. Il y en a plusieurs. Dans ces lois-là, il y a différentes petites périphériques. On va en aborder un. L'homme, tel qu'il est conçu, n'est pas conçu pour faire de choix. Bon, il n'est pas conçu pour faire de choix. Ça veut dire que l'être humain n'a pas les outils nécessaires pour être capable de faire un choix, donc de prendre une décision. L'être humain n'est pas bâti pour faire un choix, c'est un principe facilement constatable. L'humain n'est pas bâti pour faire un choix. Lorsque la vie ou l'illusion de la vie l'amène à un choix, à prendre une décision, l'être humain devient nerveux. L'être humain a peur. Peur de se tromper, peur de réussir, peur d'être jugé, peur tout simplement. La peur, lorsqu'il faut que tu fasses un choix. L'être humain se rend malade. Question de stress, la peur. Chaque fois que l'être humain est confiné à faire un choix, vu qu'il n'est pas bâti pour le faire, il va vivre différentes mécaniques, il y en a d'autres aussi, différentes mécaniques qui vont simplement l'anéantir, le tuer. Nécessairement, du fait que l'humain n'est pas bâti pour faire un choix et de l'illusion qu'il doit faire un choix, va découler la culpabilité post-choix. Après avoir fait un choix, on se sent coupable d'avoir réussi, on se sent coupable d'avoir manqué son coup, on se sent coupable, la honte, et toute une panoplie de manipulations secondaires. L'être humain, non seulement l'être humain ne fait pas de choix dans sa vie, l'être humain manipulé, mais en plus, l'être humain, de toute façon, n'est pas équipé pour faire un choix. Étant donné que l'être humain n'est pas équipé pour faire un choix, et que la vie planétaire, et surtout la vie astrale, la vie psychologique, l'amène continuellement à cette illusion qu'il a de devoir décider, ben, l'être humain souffre. Tout ce qui est ici, du moment que le choix ou l'illusion de l'obligation de choisir apparaît, amène chez l'humain de la souffrance. Cette souffrance est basée sur une mécanique première qui s'appelle dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive va engendrer toutes les autres formes de souffrance psychologique. Toutes. La dissonance cognitive, c'est une mécanique qui apparaît à l'intérieur de l'humain, confrontée à l'illusion d'avoir à faire un choix, et elle apparaît parce que l'être humain n'est pas bâti pour faire de choix. Ce n'est pas un être créatif. Tous les égos qui se pensent créatifs, qui pensent être des êtres créatifs, sont des êtres manipulés. Ceux qui ne pensent pas sont manipulés aussi. La dissonance, ça veut dire simplement que les choses vont mal, ça dissonne, ça ne va pas, ça se confronte, ça se heurte. Cognitive, relatif à la cognition, qui veut dire la connaissance, c'est-à-dire l'expérience. Ce n'est pas le savoir. La dissonance cognitive apparaît lorsque l'être humain a deux informations qui ne sont pas identiques à l'intérieur de sa conscience astrale. Il a une information A, tout va bien. Il y a une information B qui vient s'opposer à A, et l'être humain entre en dissonance cognitive. Il y a une dissonance entre deux connaissances. Et parce que l'être humain n'est pas bâti pour faire de choix, il n'est pas bâti pour subir la dissonance cognitive, il va embarquer dans une mécanique qui va tout faire pour faire en sorte de détruire la dissonance cognitive. Et cette mécanique s'appellera l'explication. Lorsque l'être humain entre dans la mécanique de l'explicatif, il engendre nécessairement la mécanique de l'explication illusoire, c'est-à-dire de l'illusion intérieure. On appellera cela la foi, la croyance, la vérité, etc. Je dois boire de l'eau, mais peut-être que l'eau est empoisonnée. Peut-être que l'eau ne l'est pas. Je dois donc décider si je bois ou si je ne bois pas. Alors, je vais me dire, ben, probablement que l'eau bleue n'est pas empoisonnée ici dans un hôtel. L'eau est peut-être pure, l'eau est peut-être empoisonnée. Deux connaissances engendrant la dissonance. Je suis confronté à l'illusion d'avoir à faire un choix. Je vais être manipulé en fonction de ce que je suis. Et pour éliminer la dissonance, c'est-à-dire que je peux dire je bois ou je ne bois pas, sans explication. Bon, j'aurais accompli une mécanique. Mais l'être humain, vu qu'il a l'impression du libre-arbitre, ne pourra pas boire ou ne pas boire sans s'être donné au préalable une explication, une rationalisation, une raison. Ah, bien, ici dans des hôtels, l'eau n'est probablement pas empoisonnée. Ça veut dire que l'être humain va détruire la dissonance en renforçant l'un des deux côtés. C'est-à-dire qu'il va dire, non, l'eau n'est pas empoisonnée parce que... Alors, il va éliminer une grande partie de la dissonance. Le point A restera grossi, le point B semblera diminuer, la dissonance va rester, il y aura un doute résiduel, mais l'humain va être capable d'accomplir le point A, ce qu'il aurait de toute façon accompli, avec moins de souffrance dissonante, même s'il en reste. L'humain va donc inventer une explication pour être capable de supporter son action. Si l'humain A est manipulé par le point B et n'en boit pas, il va dire, ah, oh, bien, probablement que, quoi, on ne sait jamais. Tu sais, on est dans le public, dès que quelqu'un a mis quelque chose dans l'eau, non, j'en bois pas. La personne va, vu qu'elle était manipulée à accomplir le point B, elle va maintenant engendrer une explication pour renforcer le point B au détriment du point A, et elle va détruire une partie de la dissonance cognitive par son explication, bien qu'il va rester un doute. Quoi, peut-être que c'est pas empoisonné, puis moi j'ai soif, tu sais. Peut-être que je suis con. Mais sinon, j'aime autant, et elle va se donner des raisons. Mais tous les choix qu'on a à faire, finalement, d'où vient la dissonance, c'est... Est-ce dû... Mais moi, ce que je pense, c'est dû au fait qu'on ne veut pas se tromper, ou bien avoir raison, là, c'est la même chose. Mais surtout, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire une erreur. Comme par exemple, être empoisonné ou pas, bien, c'est certain qu'on ne veut pas se tromper, on ne veut pas être empoisonné. Oui, mais c'est même pas vrai. C'est même dans toutes les décisions, on ne veut jamais se tromper, on veut prendre la meilleure, la bonne. Ça, c'est une explication pour détruire une dissonance. Ce que tu viens de dire là, ce n'est même pas vrai. Mais je ne dis pas que la dissonance n'existe pas. Non, je comprends. Mais on ne sait même pas qu'on veut avoir raison. Pour détruire une dissonance cognitive face au non-libre-arbitre, on va créer une explication qui va être celle que tu viens de donner. Oui, mais c'est parce que je ne veux pas avoir tort, c'est parce que je veux avoir raison, ou c'est parce que je veux rester en vie, alors que de temps en temps, les humains vont faire d'autres choses qui mettent leur vie en danger de façon évidente. Ils vont te trouver une autre raison. Oui, mais il faut bien mettre du piquant dans la vie. Ah oui, mais c'était pas si dangereux que ça. Ah, on t'exagère. Non, c'était aussi dangereux. Mais moi, je... Si t'allais à la chasse, c'est bien plus dangereux que de se risquer à boire un verre d'eau. Les gens qui vont à la chasse, chaque année, il y en a qui se font tuer, puis il y en a qui se tuent. Ah, bien, leur vie est en danger, et n'empêche, ils vont y aller. Oui, mais moi, je dis pas ça à titre de défense, là. Non. Parce que... On peut prendre l'exemple de la chasse, c'est la même chose. Celui qui prend conscience de ça, finalement, c'est quand tu prends conscience de... Tu visualises un peu, d'une façon, d'un point de vue plus élevé, un événement, que là, tu veux faire un choix qui est le meilleur. Comme par exemple, aller à la chasse, puis là, tu dis, ouais, mais c'est vrai, ça peut être dangereux. OK, mais on ne veut même pas faire un choix qui va être le meilleur. On va expliquer ce que, de toute façon, on va aller faire. Puis parce qu'on a l'illusion du libre-arbitre, on se convainc dans l'illusion, pour détruire une dissonance cognitive spirituelle, on se convainc qu'on veut faire le meilleur choix. Mais on ne veut même pas faire le meilleur choix. Je comprends pas. Je sais. On veut quoi? On veut rien. Parce que l'exemple tout à l'heure, tu donnais parce que ça devient... Est-ce que tu goûtais ton eau? Ben, je l'ai bu. L'exemple, parce que c'est pas... Il y a des événements, à un moment donné, c'est qu'on va, on va considérer que jusqu'à un tel niveau, c'est normal de dissonner. Parce que c'est pas nommé comme ça, tu sais, dans la société. Si tu dissonnes pas, c'est normal, tu sais, que tu hésites des décisions. C'est ça, c'est de la dissonance. Oui, mais bon, c'est pas vu de même. Ça, c'est une autre explication pour expliquer la dissonance. Mais à un moment donné, là, il y en a un qui va commencer à paranoïer. Mais de là, ce que je veux en venir, c'est que c'est des possessions. Continue. Où je veux en arriver, c'est qu'à un moment donné, il y en a un, lui, ça y passe dedans. Tout d'un coup, quelqu'un qui veut m'empoisonner. Mm-hmm. Sans aucune raison, ça y passe. C'est donc une dissonance cognitive qui a engendré cette explication-là. D'un coup, quelqu'un veut m'empoisonner. Oui. Vas-y, continue. Mais là, nous autres, on va dire, ben, capote pas. Mais... C'est une autre dissonance, c'est une autre explication qu'on va donner pour expliquer la dissonance qu'on a en face de ce qu'on va dire. Parce que là, on va arriver, on va dire, ben là, si tu commences à penser de même, tu vivras plus. C'est une autre dissonance. En disant ça, on vient encore de donner une explication pour éliminer une dissonance. Tout... Il y a des niveaux, parce que là, on peut considérer que ça, c'est un niveau extrême, celui qui voit des bébites partout. C'est aussi une dissonance. Ça aussi, c'est une explication pour éliminer une dissonance. Oh oui! Non, c'est un fait. Continue. Et puis, c'était... Bon, c'est une dissonance pour expliquer. Mais là, ça revient à la deux ou la troisième, c'est que là, t'avances... Tu étais pris, là, tu sais, mais c'est une constatation. Mais rendu à ce niveau-là, c'est considéré comme une maladie, c'est maladif. Parce que, encore une fois, on a une dissonance ici, puis on va expliquer que c'est une maladie. Bon, mais parce que c'est considéré par, socialement, c'est considéré comme exagéré. Oui, mais on suffit de la société. Donc, si tu parles de la société, non, non, mais qui, ça? Quelque part avec une explication. Non, mais qui, ça, on, là? Moi. OK, mais moi, je parlais, là, du point de vue... Mais non, je sais, continue. Ben là... Moi, c'est pas de toi que je parle. Non, je comprends. C'est parfait. La personne qui dit, moi, c'est parce que je veux pas mourir que je veux choisir le bon verre. Ça, c'est une explication pour une dissonance. Parce qu'elle s'en fout de mourir. Le chasseur qui dit, oh, vous voyez, c'est pas dangereux aller à la chasse. C'est rare les accidents, puis il n'y a pas... Bon, c'est dangereux d'aller à la chasse. Lui, il va se donner une autre explication pour expliquer le fait qu'il va à la chasse. Celui qui ne prend pas le verre d'eau va se donner une autre explication pour expliquer qu'il veut se maintenir en vie. Celui qui veut aller à la guerre, il va y aller à la guerre. Il va aller tuer la gang de cons là-bas. T'as pas peur de te faire tuer? Non, t'as pas peur de me faire tuer. Il va en avoir une explication. L'autre, ah moi, je ne vais pas à la guerre. Ah moi, je n'ai pas peur de me faire tuer. L'autre, il y va, il dit que c'est pas dangereux. Voyons donc, c'est un malade. Lui aussi, il va en avoir une explication. Les deux vont avoir chacun leur explication pour expliquer. Le point B, j'y vais pas. Le point A, j'y vais. Et les deux sont dans la même dissonance cognitive. Mais il y en a un qui va de toute façon être manipulé à B, l'autre à A, et les deux auront leur explication diamétralement opposée. Ouais. Chaque explication sera uniquement une illusion, une invention, pour éliminer une dissonance dans le fait que l'être humain devra de toute façon être manipulé à gueuler. Aïe, aïe, aïe. Mais, je peux parler, ça va être l'explication en fait à des dissonances, mais c'est pas grave, je le dirai pas. Ben, tu peux dire, mais c'est parce que là... Voilà, et quand je parle de court-circuit, là on n'a encore rien dit sur la panique qui peut arriver. Je sais bien que t'es pas en panique, mais ce qui arrive, c'est non, non, que, mais donné, c'est quand même... À un moment donné, je dis quoi, je fais quoi, je... Ben moi, c'est pas de ce point de vue-là, c'est de l'autre point de vue, c'est du niaisage, tu sais. Qu'est-ce que c'est du niaisage? Ben parce que je vois peut-être plus loin, là, c'est que... La dissonance? Ouais, faudrait que tu continues à expliquer. Quand tu dis c'est du niaisage, c'est parce que tu expliques pour éliminer une dissonance... Non, mais je dis pas... Mais quand je dis c'est du niaisage, c'est de la manipulation. Mais tout est ça. Bon, mais l'être humain qui cesse de s'expliquer ses dissonances, c'est un être humain qui vit à partir d'aujourd'hui silencieusement. Rien à dire. Mais je veux venir... Tu as fait ça? Tu y vas-tu? On verra. Plus rien à dire. En veux-tu encore? T'en mets ta mat pas. Je sais pas si je veux le manger. Mange pas. Tu manges pas. Oh, c'est pas dit. L'humain n'a plus rien à dire. Tout ce qui est dit par l'être humain, c'est pour détruire une dissonance. Je parlais toujours au niveau du principe de l'ego, et la problématique, c'est qu'il y a des égos qui se pensent au principe du mental, au principe du supramental, pour essayer de dire, ah, ben moi, c'est pas ça. À cause que, là, il explique. Mais c'est vrai qu'il peut être à un autre niveau pareil, mais ils sont quand même pris parce qu'ils savent pas, c'est que ça, ça englobe pas mal plus. La dissonance. Non, mais ils sont pas nécessairement à un autre niveau, ils sont à un niveau égoïque nouveau, puis c'est quand même quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est qu'ils ont, ils ont une vision d'un autre niveau, je suis convaincu. Ils ont une vision, mais ils ne sont pas à un autre niveau. Quand ils vont être ils sont d'un autre point de vue, mais d'un point de vue qui englobe celui de l'autre. Oui, ben, d'accord. Ben, certaines rares personnes, mais il n'y en a pas ici. À part moi, ce qu'il n'y en a pas ici. Bon, bon, bon, nous deux. As-tu d'autres, là? Bon, nous autres, mais il n'y en a pas ici. La dissonance cognitive, c'est le siège même de la création du mensonge, de l'illusion, des religions, des sciences, de la psychologie, de tout. L'être humain, les cosmologies, cosmogonies, tout sont des explications pour éliminer la dissonance cognitive qui engendre de la souffrance, qui engendre de l'incertitude, du doute, de la peur, de l'angoisse à l'intérieur de la conscience humaine. Alors, tout ce qui a été expliqué jusqu'à date fait partie d'une récupération en phase de dissonance cognitive. Ce sont des explications pour éliminer la dissonance. Bon, OK. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'il soit encore plus clair que ça, la dissonance. Parce que... Bon. On va prendre un autre crayon. De toute façon, c'est important qu'on soit clair. Mm-hmm. Parce que même s'il ne faut pas que les gens l'apprennent, les gens vont l'apprendre, après ça, ils vont servir de ça pour expliquer. Non, c'est parce que je comprends, là, mais c'est pas assez clair. C'est que... Tu comprends clairement, mais moi, je n'ai pas dit ça, c'est clair. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que dans deux semaines, c'est... Explique plus. Bon, bref, tu n'as pas l'impression d'absolument rien. Explique plus. Hein? Ben oui. Ah oui, parce que là, vous avez des idées, des raisons pour expliquer, mais il me semble que t'es au bidon ça. Mais ça, OK, je vais t'en sortir une autre dissonance. C'est que d'un autre point de vue, c'est que je me dis. Bon, si tu as deux points de vue, d'un autre point de vue, donc tu as le point de vue B et un point de vue A. Puis là, d'un autre point de vue, tu essaies maintenant d'expliquer quelque chose pour grossir cet autre point de vue-là. C'est toujours face à une réaction en dissonance. Oui, pour la protéger, pour la défendre. Oui. Là, oui, c'est là, c'est ça que je vais faire, là, pour m'en défendre une. Là. Vas-y. C'est que, je me dis, si on n'explique plus rien, si on ne dit plus rien, ça va être quoi, là? Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est vrai. Viens voir expliquer n'importe quoi, tout croche, sans que ça ait le sens. Non, mais, on s'en va, on fait quoi? Non, même là, tu as besoin de parler, parce que ce que tu dis... Mais c'est un peu ben comme... Oui, quand je me juge en même temps, oui. J'essaie de pas... C'est un peu comme on était assis tous les deux, là. Hey, as-tu vu la salle, là? Il y a une belle pancarte rouge qui écrit « Sortie », hein? Il y a deux lumières dedans. Puis... Ah oui, mais si on dit plus rien, on pourra même pas rien regarder. Fait qu'il y a deux colonnes, il y a des petites fleurs là-bas, il y a du monde. Mais c'est la même chose. C'est comme si chaque fois qu'on regarde quelque chose, il faut qu'on le décrive absolument. Sans ça, on ne regarde plus rien. Non, mais parce que... Mais la vie de l'humain, c'est la même chose. C'est toujours en train d'expliquer pour rien. Oui, mais parce que c'est ça, présentement, la communication entre les humains. Oui, ben, c'est pas une raison, tu sais. Va-t'en dans d'autres pays, la communication serait un coup de bombe. Même si c'est ça, la communication, oui, mais... c'est pas une raison. Non, je sais, mais quand tu connais pas d'autre chose, tu dis, si on n'a plus ça... Oui, mais là, moi, je te dis que ce que tu connais, ça sert à rien. Puis je te le prouve. Bon. Oui, ça, j'en conviens. Sauf que... J'aimerais... Quelle explication pour me donner? Ben, tu prouves. C'est vrai que c'est plate de vivre ça, mais tu prouves pas que ça sert à rien. Là, tu dis ça dans ton explication. Hein? Ça serait plus plate de pas le vivre. Selon ce que tu dis. C'est sûr que c'est plate de le vivre, mais ça ne prouve pas que ça ne sert à rien, donc vivons-le. Non, mais c'est parce que ce qui est dit finalement, c'est tant qu'à rien vivre, tout le monde vit ça. Ouais, comme les personnes qui décrivent tout avec par leur bouche, quand ils voient quelque chose, il y a ceci, il y a cela, tu vois la couleur, il y a le nombre, là, tout ce qu'il voit. Oui. Comme quelqu'un qui a déjà vu un film, là, puis qui t'amène pour que tu regardes un film avec les cassettes, puis il part. Il y a ça, là, ce gars-là, là, c'est le frère de la soeur du gars. Là, lui, il va rentrer dans le magasin. Il va rentrer. Il rentre dans le magasin, là. Tout est là, tu dis, écoute, tu te tais. Non, mais c'est parce que tu. Faut que je t'explique, Ah, c'est comme. C'est certain. Silence, puis tu vas comprendre le film aussi. Il y a des personnes que. Tu rencontres une personne qui a vécu un événement qui a duré 2 minutes, puis ça y prend peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure de te l'expliquer. Ouais, parce que tu comprends pas que... sans ça. C'est ça. Puis, ça en est passé des affaires. Ouais. Explique tout ce qui s'est passé. Mais oui, mais c'est pour certaines personnes, c'est un plaisir de la communication. Bon, expliquer ce qui se passe. Oui, mais c'est ça. Drogue. Bon, mais te rends-tu compte que pour 2 minutes d'expérience vécue, ça te prend une demi-heure à l'expliquer? Oui. Ça veut dire que si tu l'expliquerais en vivant, ton 2 minutes, là, t'en retiendras pas une demi-heure, hein? C'est à peine si tu aurais le temps de mettre des mots dessus. D'accord avec moi? Si tu l'expliquerais en vivant. Si tu vis 2 minutes intensément sans l'expliquer. Mm-hmm. Un peu comme je regarde la salle, je fais comme ça, j'ai vu plein de choses, là. Mm-hmm. Mais si je l'explique maintenant, je te compte ce que j'ai vu, ça va prendre du temps. Ben oui. Si je l'explique en regardant. Et là, je vois une personne qui. Ben, je peux pas, là. Il faut que je l'explique en même temps. Ça veut dire que si en 30 secondes, je peux faire la salle, si je l'explique en 30 secondes, on va faire une personne. D'accord avec moi? Ben, oui, je suis d'accord parce que. Oui. D'accord avec ça? Oui. Bon. Par contre, si je le fais sans l'expliquer, puis qu'après ça, je décide de l'expliquer, là, je prends mettre. Mais il y a une chance que je ne l'ai pas vécu en l'expliquant, parce que je n'aurais rien vécu. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est plus vite dans la tête, toutes les connexions qui se font. Oui, parce que tu ne l'expliques pas. Mais si tu l'expliques après, ça prend plus de temps. Oui, mais c'est parce que la parole est bien plus lente. Exact. Donc. Fait que là, ça veut dire. J'ai une chose à dire. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que si tu parles pour expliquer ce que tu vois, tu n'as à peu près pas le temps de rien voir. Ben, moi, tu as vu avant, tu expliques après. Oui, moi, je te parle en même temps que en tu même vois. En même temps, tu n'as pas le temps de rien voir. Non, ça ne marche pas. Alors, si tu parles et tu expliques toute ta vie au fur et à mesure qu'elle s'écoule, tu n'as pas le temps de rien vivre. Ah, c'est pas pire, ça. OK? Ouais. Ça veut dire que moi, ce que je dis, c'est que l'humain qui, à un moment donné, il regarde quelque chose, puis il se ferme la grande gueule, il regarde le coucher de soleil, il regarde n'importe quoi, il regarde, il voit, il vit les choses. Mm-hmm. Quand il a fini, après ça, il va le faire le compter. Là, c'est prendre du temps à compter. L'être humain qui passe sa vie à se parler dans sa tête, à s'expliquer, à se rationaliser, il vit à peu près rien lui non plus. Ça, vu qu'il vit rien lui non plus, il ne peut pas arriver à une vraie conscience absolue des choses. Il ne peut pas être instantané. C'est comme si pour être capable d'expliquer toute la salle, je dois ralentir le fil du temps au maximum pour me donner en 2 secondes 1 heure et demie, le temps que j'explique tout ce que je vois. Sauf que j'aurais pas le temps de tout vivre. J'ai rien à faire. Moi, je vais me coucher souvent, mais on va m'en perdre des morceaux. Alors que si je me la ferme, même chose au niveau de l'explication. Si on n'a plus besoin d'expliquer tout ce qui se passe, on va faire quoi? Ben, tu vas vivre mauditement plus et si tu passes ton temps, tu vas tout arrêter pour expliquer. Oui, mais dans la vie globale. OK, global. Si le gars il s'en va ici et qu'il doit expliquer qu'est-ce qu'il fait là, là, il soit rondelle, d'expliquer ce qu'il va faire avec. Là, il passe là, il explique qu'il vient de faire ça là. Là, il met le bâton là pour l'empêcher de l'expliquer. Non, mais il explique. Il ne jouera jamais au hockey. Mais il faut t'expliquer aussi pourquoi tu n'as pas fait l'autre possibilité. Parce qu'il y a une question de. Bon, ben là, tout est tellement possible. Bon, là, tu fais grand-pirer toute l'affaire au complet. J'ai fait ça, puis j'ai pas fait les millions d'autres choses à cause que les millions d'explications qui suivent. Ça fait longtemps que la partie est finie. Bon. Mais le gars, il va être bon au hockey s'il se contente de jouer au hockey. Sans expliquer. Sans s'expliquer, sans se dire « Ah, ben là, je vais aller là-bas, je suis sûr que la rondelle va y aller. » Il n'ira jamais, le gars, là-bas. Tu sais, c'est « Oui, je suis bon, mais c'est non, ben, ça en allant, il va se dire « Oh, de coup, c'est là-bas. » Ben, c'est ça. Il fait ça, Lui, il va simplement jouer, puis il va dire « Ouais, mais c'est normal. » Mais c'est normal dans la vie aussi. Mais nous, on ne veut pas. On se donne des petits bouts d'instantanéité. Mais ça, c'est… Si on… On passe le reste à faire de la philosophie. Un exemple, là. Ça, c'est une partie de la vie. Puis une autre partie. Ça, c'est quoi ça? Vive, là. Vive l'instantané. Une partie de la vie, vive. Vive l'instant. Il y a la vie, puis il y a une partie de la vie qui est vive l'instantanéité. Mais non, c'est ça la vie. Puis tu meurs quand tu vis pas ça. Ah, je vais continuer. T'existes, c'est une partie de l'existence. C'est parce que une partie de l'existence. Non, mais toi-même, tu dis. Continue. OK. Il y a une partie de l'existence qui est la vie, mm-hmm. qui est l'instantanéité. Le reste existe encore, mais tu ne vis pas. Ce n'est pas une partie de la vie qui est de la vie, c'est une partie de l'existence. OK. Je suis d'accord. C'est pas le bon mot. Une partie de l'existence qui est la vie. Oh, c'est bien dit. Une autre partie qui est. Qui est de se nourrir. Bon, un exemple. Se nourrir astralement, parce que ce que je veux dire, c'est que d'expliquer des choses comme ça, ça peut être bien fait. Il y en a qui sont vraiment têteux. Tu sais, tu t'envoies, ça ne rend pas compte, tu reviens, puis ils continuent, c'était leur affaire, puis ça ne va pas rendre compte. Mais il y en a qui c'est une communication. Il y en a qui. C'est une communication, puis ils se nourrissent astralement de raconter, par exemple, le plaisir qu'ils ont eu hier à aller faire telle activité. Oui, plutôt que vivre le plaisir de maintenant, ils vivent le plaisir d'hier. Ouais, c'est vrai. Quand ils vieillissent un peu, ils s'achètent une chaise berçante, une pipe, puis c'était le bon vieux temps. Bon. Oui, mais est-ce que nécessairement tu nourris tous les plans si tu étais instantané? Bon. Oui. C'est facile. Bon. Le corps humain. Le corps humain, il y a des organes. Il y a une structure pour s'alimenter, il y a une structure pour excréter, etc. Il s'alimente au niveau de l'air, au niveau des excréments. Bon. S'il y a un gros tumeur ici, ou s'il y a bien du gras, il faudra qu'il alimente tout ça, ça aussi. Un tumeur? Ah oui. C'est des cellules, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin de des petites cellules. Tu sais, un tumeur cancéreux, là, ça a besoin d'une alimentation. Ça a besoin de l'amour, ça a besoin de l'hôpital, ça a besoin de plein de choses. Bon. Ce sont des cellules. Quand on nourrit notre corps astral en remanchouillant ce qu'on a vécu ou en expliquant des choses, on nourrit des parties du corps astral qu'on appelle l'ego. Mais l'ego, ça n'a pas besoin d'être nourri. Mais c'est celui-là qui crie le plus souvent qu'il a faim. Un gros estomac, très, très, très distendu, avec beaucoup de gras, ça va dire souvent au cerveau, j'ai faim. Mais c'est vrai. Mais, ah oui, je sais que c'est vrai. Comme l'ego, quand un ego de tueur, là, il dit souvent, j'ai faim, peut-être tuer, tard, mais je nourris. C'est vrai, il a faim. C'est mm-hmm. pauvre ego. La problématique, c'est que pour que le corps vive convenablement, tu n'as pas besoin de nourrir le gros estomac distendu. Tu n'as pas besoin de nourrir la graisse, tu n'as pas besoin de nourrir les tumeurs puis les cancers, tu n'as pas besoin de nourrir rien de ça. Sauf que l'humain, il alimente ça, physiquement. L'humain, il va aussi alimenter ça astralement. Tu as un corps vital dans lequel se trouve un ego. Cet ego-là, lui, est constitué de pluriparties, un paquet de parties, puis on doit nourrir le corps astral. L'enveloppe énergétique lumineuse du corps astral qui est à peine plus vibratoire que le plan vital. Mais à l'intérieur, il y a de l'ego. L'être humain, lui, dans tout ce qu'il va ressasser mémoriellement, il nourrit l'ego. Quand il va être capable de vivre une instantanéité, il nourrit le plan vital, il nourrit le plan astral, il nourrit le plan mental. Le plan tel qu'il est pur. Sauf que ce qui vient se plaindre, qui a faim souvent, c'est ces parties-là. Peux-tu répéter, là, ce que tu disais, ça? Les trois lettres, tu as marqué là. Ah, ben ça, c'est un V, hein? Non, mais répète donc ce que tu viens de dire. Ah, il nourrit le plan vital, le plan astral, le plan mental. Qu'est-ce qui nourrit ça? Quand l'être humain vit un événement instantané. OK. Il nourrit les trois plans. Sauf que l'ego, lui, ce qu'il fait, c'est que l'ego a faim. Puis l'ego, c'est de la cristallisation d'expérience. Autrement dit, de l'énergie qui doit nourrir le plan vital et dynamiser vers l'ego. C'est-à-dire qu'il est magnétisé par l'ego, il vient vers l'ego, puis nourrit l'ego. Donc, le plan astral manque toujours un peu de nourriture. Puis, le plan égoïque, lui, il y en a toujours de plus en plus. Et lui, vu qu'il y en a de plus en plus, bien, nécessairement, il grossit. Puis, de par sa nature, il ne veut pas perdre, il ne veut pas mourir. Donc, il s'arrange pour en prendre du plan astral. Se nourrir. S'il n'y a pas assez d'énergie dans le plan astral, qu'est-ce qu'il fait? soit qu'il monte dans le plan mental et il prend de l'énergie là-dedans, donc il abaisse le plan mental, fait que l'individu descend de niveau, il est plus stressé, plus énervant, etc. Ou bien il en prend dans le plan vital pour s'alimenter, ce qui va engendrer des pathologies, des maladies au niveau du plan physique. Mais ça, ça n'a pas besoin d'être alimenté, mais ça ferait juste ça qu'on alimente. Ça n'a pas besoin d'être alimenté. Toutes les explications, la majorité des dires de l'humain donnés par l'ego sont des structures pour alimenter l'ego, mais pas pour alimenter le plan astral. À travers ça, ça va alimenter un peu le plan astral. Bon. Dans le plan physique, c'est la même chose. L'être humain, il nourrit son corps physique, puis il nourrit en même temps un paquet de cochonneries qu'à l'intérieur de lui. Il n'y a pas besoin. Moi, je me rappelle, je pense que c'est ça, je me rappelle, la première fois, je me suis dit que c'est pas... Tu n'as rien. Je me rappelle, la première fois que tu as parlé là, de se nourrir astralement. Oui. Est-ce que tu avais... moi, ce que j'avais compris, finalement, de ça, c'est que c'était en attendant. Non. De vivre mieux, au moins... Oui. C'est que c'était pas l'idée, c'était pas ça l'affaire. Mais en attendant, c'est ce qu'il y avait de mieux. Non, oui. Moi, ce que j'ai dit à cette époque-là, c'était dans le PMC+, la première fois. Je sais pas si c'est la première fois. On me rappelle pas où. Si c'est écrit. PMC+. Au château, en tout cas, à l'est de Montréal, à l'ouest de Montréal. À Vaudreuil. Un petit peu. Et ce que j'avais dit là, ce qui avait été communiqué, c'était que l'être humain devait nourrir son corps astral, ne pas nourrir son ego, puis qu'en nourrissant le corps astral, il finirait par avoir moins de problématiques de santé, moins de problématiques psychologiques ou psychiatriques, moins de problèmes, puis que ça accélérerait le contact avec le plan supramental, ça amènerait plus rapidement des inhibitions au niveau de l'humain. Puis quand l'humain a une désinhibition, puis un contact pur avec le plan supramental, l'énergie qui va descendre là-bas va nourrir tous ses plans sans maudissant, sans problème. Donc, en attendant d'en arriver à une communication complète qui va nourrir tous tes plans sans problème, bien, il faut peut-être chercher de l'alimentation au niveau du plan matériel. Donc, il faut que tu manges. Il faut peut-être chercher de l'énergie vitale. Il faut peut-être chercher de l'énergie astrale, mais pas pour nourrir l'ego, pour nourrir le corps astral. Il faut peut-être chercher de l'énergie mentale. Et j'avais dit à l'époque que la communication mentale avec les individus était suffisante pour les nourrir. Une communication mentale, ça nourrissait. Et jusqu'au moment donné où tu aurais, par ta transparence, un contact pur avec l'intelligence qui nourrirait toutes tes plans. C'est donc, oui, c'est temporaire, mais... finalement, c'est inévitable, d'abord. C'est inévitable, puis c'est pas une façon cheap de se nourrir. C'est pas ça que je voyais non plus. Ce que je voyais, moi, c'était... un rallongement, finalement, mais qui... Parce que le pont n'était pas fait pour prendre le raccourci. Mais ça ne devient pas un rallongement, mais c'est qu'on voit qu'on peut être l'autre bord. Dieu! On t'a occupé. Quelle est la différence entre ce nous... Parce que c'est certain, c'est... La nuance est subtile, là. Entre nourrir l'ego puis nourrir l'astral. Pas nourrir l'astral, nourrir le corps astral. Nourrir le corps astral. Ou se nourrir astralement. Mais c'est-à-dire que habituellement, quand tu te nourris astralement, ton ego en profite pour s'alimenter lui aussi. Et d'où l'importance d'arriver au minimum, s'il y a à s'alimenter, d'arriver à une purification de l'ego suffisante pour être capable de nourrir un ego qui travaille dans le sens où on va aller de toute façon au niveau de l'intelligence. Fait que là, il faut que l'ego... Parce que c'est l'ego qui va pousser souvent des occasions pour se nourrir astralement, sauf que là, il faut rester intelligent pour faire ça. On parle de désinhibition, ça va t'amener à une alimentation vitale, astrale, physique, mentale, etc. Sauf que l'ego, lui, voulant s'alimenter, il peut engendrer une libération. Oui, c'est ça. Okay. Mais en termes de principe matériel, ça ressemble pas mal à la même chose. Mais il y en a un, c'est l'ego qui se nourrit, ben non, c'est l'être humain en entier qui se nourrit. Les dissonances cognitives... Donc, l'humain est absolument incapable de prendre de décision. L'humain a une fièvre majeure. Puis l'être humain qui ne veut pas comprendre ça ou qui ne peut pas vouloir comprendre ça ou qui ne comprend pas ça, c'est l'être humain qui est manipulé. À un moment donné, de toute façon, c'est tout le monde, c'est un être humain qui va se heurter toute sa vie à un destin qui ne semble pas lui être favorable. bon, de temps en temps, c'est favorable parce que ça donne qu'il choisit ce qu'il de toute façon il va faire. À un autre moment donné, ben, ça devient défavorable parce que l'humain est manipulé à choisir ce qu'il ne veut pas faire. Il va quand même le faire, sauf qu'il va, il va trouver que ce n'est pas ça qu'il voulait. Bon, un, parce que ça nourrit le plan astral, donc au niveau astral, ça manipule sans arrêt l'être humain pour que l'humain reste en dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'au niveau de l'astral, on lui amène, en plus des informations matérielles, on lui amène des explications. Les explications vont engendrer des dissonances cognitives. C'est pourquoi un être supramental, lorsqu'il va amener de l'information à l'être humain, comme je le fais, il va amener des explications, comme d'ailleurs j'ai toujours fait, à travers le temps, il va amener des explications qui incluent le passé et qui dirigent le passé vers quelque chose de nouveau, de neuf. Pourquoi? Parce que si on dit à l'être humain... il y aura, par exemple, bon, il y a la réincarnation. La réincarnation, ben, vous choisissez votre corps physique. C'est un peu myope, vous ne voyez pas trop ce que vous faites. Et puis, c'est pour ça que vous regrettez quand vous êtes dedans, après. Vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. Moi, j'arrive avec une explication différente où je dis que c'est le corps physique qui choisit. Mais dans l'explication, je dois nécessairement inclure la vieille explication en la reformulant, en la reformant de façon à rajouter du neuf. Et en rajoutant ce neuf-là, il traduit en anglais. En rajoutant le neuf, ça amène une explication de la réincarnation qui est beaucoup plus facilement supportable par l'humain. Et je n'ai pas engendré une deuxième dissonance. Je vais t'expliquer ceci. Oh, je ne sais pas ici. Bon. Pour ceux qui viennent pas aux conférences, qui ne comprennent pas les phrases, là. L'être humain, oui, OK, on disait quoi? Là, je pense une farce, là, en tout cas. On continue. Tu pensais une farce? Ouais, mais je ne me rappelle pas, c'est pour ça. Le meilleur, c'est le dernier temps, c'est qu'il y a 200 personnes qui ont manqué leur vol de national, puisque le vieux appartient à leur. Bon. L'être humain, lorsqu'il vit des dissonances, qu'est-ce qu'il vit? Bon, c'est assez facile pour juste comprendre un peu le principe. Faut simplifier bien gros, bien gros. Ce côté-ci, ça simplifie plus. Parce que si c'est renversant, c'est moins évident à faire. Dans ce que l'humain va vivre au niveau de sa conscience, conscience spirituelle, conscience de vie, on va dire qu'à un moment donné, l'être humain croit en Dieu. Bon. Pour l'être humain, Dieu, évidemment, c'est une explication face à la dissonance. Comment ça se fait que c'est là, ça, là? Comment ça se fait que c'est vie, là? Ouais. Qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Par manque d'explication. Ben là, tu es mal pris en maudit. Alors, tu inventes une explication qui va être l'explication théologique divine. Même si elle est basée sur des mécaniques archétypaux de descente, de fusion, etc., qui sont aussi des explications face à des dissonances plus grandes, l'être humain invente Dieu. Bon. Dieu, c'est un Dieu de... colère, de vengeance, c'est un Dieu que tu dois craindre. C'est Dieu. À un moment, c'est logique, parce que tout ce qui existe à l'échelle de la planète à l'époque de ce Dieu-là, c'est des prédateurs. Les animaux te tuent, tu tues les animaux, les hommes te tuent, tu tues des hommes. Alors, un Dieu de paix, d'amour, etc., ça va engendrer une dissonance extraordinairement phénoménale dans la conscience de l'humain, parce que quand on va arriver avec le Dieu d'amour et de paix et de pardon, ben, il n'y a rien sur la planète qui explique, qui dit, cherche-le, Dieu, tu ne le trouveras jamais. Si c'est un Dieu de colère, de vengeance, que tu dois craindre, cherche-le, tu le trouves partout. Alors, à un moment donné, l'humain va donc s'inventer un système comme celui-ci. Mais... beaucoup plus tard, dans l'échelle de l'humanité, il y a un bonhomme qui est en contact avec l'intelligence supramentale, qui va amener l'idée du Dieu d'amour, de paix et de pardon. Mais ce Dieu-là, il va dire... non, vous n'avez jamais compris comment était Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de colère, c'est un Dieu d'amour. Donc, il ne dira pas aux gens que ce Dieu-là n'existe pas. C'est ce Dieu-là qui existe. va dire aux gens, non, non, le c'est Dieu le existe, mm-hmm. mais vous l'avez mal compris. Mm-hmm. Vous avez pensé que c'est vous autres qui l'avez coloré, c'est vous autres qui l'avez terni par vos péchés. C'est que le peuple élise l'humain, ça c'est une autre affaire. Mais ce qui arrive, c'est que l'humain, c'est que le bonhomme ici qui va expliquer ça, Moïse, il va prendre le Dieu du passé, le transformer dans un Dieu plus nouveau. Et plus loin, quand on va arriver, par exemple, à un Dieu extraterrestre, avec Raël, par exemple, ça gagne. Bon, alors lui, c'est la même chose. Pour cette information, uniquement pour amener du neuf dans l'humain, et pour obliger l'humain à passer d'explication dissonante en explication dissonante, qui contiennent des explications qui contiennent de plus en plus d'énergie, et qui vont amener l'humain, à un moment donné, à un seuil énergétique tel qu'il pourra traverser dans la conscience, sans explication. Bon. Sauf que temporairement, lui va dire, « Non, la Bible, c'est vrai, la Bible! Tout ce qui est dedans est vrai, la Genèse, tout ça, c'est vrai! La preuve! » Puis là, il va lentement être capable de prendre les dieux, colère, vengeance, dieu d'amour et de paix, pour en faire des extraterrestres, des savants, certains savants un peu fous, d'autres savants plus intelligents, et qui, eux, vont engendrer l'humanité, et qui vont nous aimer comme un père, parce qu'on a toujours dit que ça, c'était un père, etc. Donc, il va lui aussi, par la communication qu'il a eue, communication élohimique, prendre des informations du passé, les deux explications qui font partie des récupérations face à la dissonance, et à partir du passé, il va améliorer l'explication. Ce que le Nazaréen a fait en disant, je ne viens pas détruire la loi, je viens la parfaire. Donc, il prenait la même loi, puis finalement, ben, c'était plus la même loi rendue au bout, mais l'humain était capable de suivre. Pourquoi? Parce que les dissonances cognitives majeures, du genre, seul Allah est le vrai Dieu, seul Mahomet, bon, c'est la même affaire, seul Yahweh. Puis si tu te trompes, t'es fait. Mais ces dissonances-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font en sorte que l'humain ne peut pas vivre. Quand un être arrive en expliquant à tout le monde, paf, que, tu sais, tout ce que tu penses, là, c'est faux, c'est pas ça, c'est pas blanc, c'est bleu. Ça crée des suicides, des alcooliques, de la drogue, puis ça crée normalement l'obligation des gens qui ne peuvent pas vivre en dissonance majeure, l'obligation de détruire le miroir. Donc, ça crée des guerres. Et ce qui va réapparaître dans différentes religions où on n'a pas su, originalement, préserver une mécanique, une espèce de lien entre les deux, ça crée des guerres parce que les gens sont convaincus que l'autre est un os du débat. Et sans ça, c'est un mosquée. Dans les termes plus musulmans. La dissonance cognitive, moi, j'amène de l'information et nécessairement ce que je veux que tout le monde comprenne, mais pas tout de suite. Ce qui est important, c'est que la question fondamentale qu'on peut poser, es-tu capable? De vivre dans l'ignorance et sans besoin et sans explication. Voilà. Toi, vous, l'homme, la femme, l'enfant, la réponse est non, là. Mais la question, c'est pourras-tu être capable, disons? De vivre... De vivre sans explication, puis sans besoin d'explication, de vivre dans l'ignorance. Je suis en dissonance. Tu que je t'explique? Non, parce que c'est oui, puis pas de suite, mais je comprends, mais je suis pas prêt. Bon. Parce que le gros problème, c'est que tout... Parce que je suis curieux, tu sais, je veux savoir pourquoi, puis je veux comprendre, puis... Oui, mais t'es pas curieux, parce que de toute façon, tout ce que tu vas savoir, il faut. Oui, mais je suis curieux. C'est la curiosité, ça, ouais. Moi, mais je suis curieux, moi, la mademoiselle des mensonges, moi, je suis curieux. Mais c'est ma vie, le mensonge, je suis curieux à l'intérieur de ça. Oui, mais ça, on s'en fout, c'est très bon. Bon. Bon, tu m'as engagé, tu penses? C'est-tu question de bord de la porte? Mais ils vont t'engager. Oui, ils vont te mettre à la première porte en bas. Au garage. Qu'est-ce qu'il y a devant la porte, je veux que je te le dise. Je le sais. Non, es-tu curieux, mais je te le dise? Dis-moi. J'espère que tu vas pas que je te le dise. Ah, dis-moi le nom. OK. Il y a une espèce de... Mais je suis pas curieux de savoir. J'ai déjà passé, donc je sais qu'est-ce qu'il y a. Ouais, mais là, il y a une affaire de bord là, qui te regarde présentement. Ah, qu'il est pas si... Mais... il veut pas être curieux, mais il est... T'as des grosses moustaches. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, mais. Oui. T'en regardes, je te dis, c'est qui, Michel? Je te dis, c'est plus. Ouais, continue. Mais tout ça, c'est faux, là. Mais la curiosité, même si c'est des mensonges, dis-moi ça. C'est ça qui est plaisant. L'humain est orchestré comme ça. Ah oui, c'est facile de prendre l'humain, tu dis, tu sais pas quoi, hein. Mais j'ai mis un grand bain. Ah, même pas, ça. Ah oui, quoi. Oui, donne n'importe quoi. Non, mais quand j'étais jeune, on faisait ça pour écœurer les autres. Tu sais pas quoi? T'as dit quoi? Ah, oh, je te dis pas tout. Donc là, t'as là, j'avais rien à dire. Je t'absous. Non, je vois pas le rapport. Pour moi, c'est très rappelé. OK. J'ai dernièrement vu une émission de télévision française intéressante où on a un maître, un gourou qui apparemment vient de l'Atlantique. Puis il comptait à ses disciples, sont totalement subjugués. Les 300-400 millions, au moins le million, les 300-400 millions de vaisseaux atlantiens que lui a détruit comme ça en 15 secondes. 3 millions. Puis il est là, puis il triple là-dessus. Tout le monde écoute. Tout le monde n'en vient pas, le monde dans la table. Il y a juste qui détruit ça, tant, je crois que tout ça. Mais mais il n'y en a plus. Ils sont tous détruits. Coup de milliard. 2,5 milliards de baf, il n'y en a plus. C'est le monde qui est content. Les chiffres astronomiques, là, tu sais pas, le monde ne devait pas être gros parce que tu vois, il y a des petits continents, il y a des 300-400 milliards là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ont besoin, sont curieux effectivement, comme tu viens de dire, la curiosité, le besoin d'explication. Oui, mais ça n'a pas de sens, c'est démesuré. Toutes nos explications n'ont pas de sens, sont démesurées. On n'a pas de mesure, sont à mesurer. Toutes les explications que l'humain se donne, toutes les explications que l'humain donne sont à mesurer. Il n'y a pas de... ça n'a pas de sens. Puis là, la question fondamentale, c'est jusqu'à quel point peux-tu... Là, évidemment, le mentalisateur, la mentalisatrice pure va dire, oui, mais si c'est vrai la dissonance cognitive ou des explications, tout ça, c'est pour expliquer la dissonance, donc tout ça, c'est faux. Puis si c'est faux, bien nécessairement, si les explications sont bonnes. Mais si elles sont bonnes, c'est faux. Je te supplie parce que je pense à quelque chose que... Bon, je vais le dire. C'est que la première fois que je t'ai écouté, je t'ai entendu... C'est à la radio. Ouais, mais je veux dire, OK, ben plus... Oui, c'est ça, puis... Okay. N'importe quand je t'ai entendu au début, c'était... Ça a bien du bon sens. Puis je suis convaincu que la plupart du monde, c'est ça, tu sais. Bon, ça a beau ça. Non, mais ça a du sens. Ouais. C'est ce qu'il dit. C'est vrai, c'est intéressant, puis ça a du sens. Puis là, finalement, c'est ça pour tout le monde dans toutes les religions. Ben oui. Puis là, ben oui. Le pire, c'est que là, à cette heure, je fais cette prise-là. Bon. Ben là, OK, c'est beau, je vais m'en voir ailleurs. Tu sais. Mais là, je vais continuer à écouter ce que tu vas me dire. Ce que tu vas dire plutôt. Je dis, oui, c'est vrai, ça a du bon sens, ce que tu dis là, que tu es en train de tout défaire ça. Comme le gars qui a trouvé Raël, ça a du bon sens, maudit, ce qu'il dit. Puis celui qui est allé voir les Krishna, il dit, ça a du bon sens, maudit. Non, mais le même qui a par exemple, détruit, on va dire, mais mettons, tu détruis les Krishna, on va dire. C'est pas ça que tu fais, mais on va dire, tu fais ça, parce que moi, je n'étais pas de décrocher des Krishna. On va dire que quelqu'un le fait, bon. Quelqu'un, mettons, moi, je suis en train de décrocher des Krishna, je suis là-dedans, et puis je vois quelqu'un qui est en train de... C'est tous les autres qui vont décrocher. Puis là, finalement, il y a quelqu'un que je vois qui me démolit tout ça, puis de façon logique, tu sais, c'est vrai, bon. D'une façon qui est en affinité avec ta logique à toi, oui. Donc de façon à éliminer des dissonances cognitives chez toi, puis quand un être humain explique quelque chose qui élimine des dissonances cognitives chez toi, tout ce que tu peux dire, c'est maudit que ça a du bon sens. C'est le même que je pense. Ben, c'est ça, Gary. C'est je pense. Ouais. Prends un gars ben... de Krishna qui est dissonant, là, puis viens éliminer ses dissonances, il va trouver que tu es génial. Parce que c'est plus que ce que tu dis, c'est ça que je pensais que je n'étais pas capable de penser, qui sortait pas. Ben oui. Comment ça, il pense la même chose que moi, finalement? Ça, je n'ai jamais été capable de le dire. C'est ça. Mais là, si je ne suis pas... Mais trois secondes avant que la personne le dise, tu ne pensais pas comme elle. C'est pour ça que tu ne peux pas le dire. Et parce que lui, il a éliminé une dissonance cognitive chez toi, bien, automatiquement, c'est ça. Et voilà. Je me suis rappelé, tenez, voilà, du moins que ça passait, il a éliminé une dissonance cognitive. Mais là, c'est maintenant qu'on sait ça. Mais là, non, on sait les autres choses qui vont arriver, ça va être ça. Sauf que là, voyant plus loin, vivant d'expérience, je vais dire, oui, mais là, je sais que c'est pas ça, parce que plus tard, ça va être encore ça. Fait que maintenant, ça, c'était plus ça. Je vais t'expliquer ton principe et mon principe. Aujourd'hui, avec toutes les explications que je t'ai amenées pour éliminer tes dissonances cognitives, tu atteins des niveaux de dissonance cognitive tels qu'il n'y a plus personne sur la planète qui peut les ôter. Donc, il y a juste moi qui peux les ôter. Fait que, t'es pogné à devoir rester avec moi. Non, mais c'est sérieux ce que je dis là. Évidemment, quelqu'un... Je savais que je t'ai fait. Ton bonheur ne peut pas se vivre autrement qu'avec moi, jusqu'au jour où tu vas avoir un contact suffisamment sensible avec ta source, puis là, elle va faire le travail que je fais, puis là, elle va t'amener des explications qui vont éliminer les dissonances cognitives. Là, tu vas te dégager de moi, mais on va probablement être d'accord tous les deux. Sauf que là, tu vas être relié à ta source. Mais en attendant, quelqu'un qui... C'est le gros problème, évidemment, c'est que moi, je dis quelque chose, tout le monde comprend des choses différentes. Ajuster leur dissonance cognitive. Quelqu'un qui, à un moment donné, vibre suffisamment avec ce que je dis, bien, nécessairement, les dissonances qu'il aura, moi, je peux les lui ôter, parce que je suis en connexion directe avec ma source. Lui, il ne peut pas se les faire ôter par personne d'autre, ou presque personne d'autre, à l'échelle de la planète. La personne qui rencontre les Krishna, quand elle va atteindre une dissonance, moi, je peux l'aider. La personne qui rencontre les Raéliens, quand elle va rencontrer une dissonance raélienne, moi, je peux l'aider. La personne qui va rencontrer les Zen, qui va rencontrer les Nénèbres, quand il va atteindre un degré de dissonance, moi, je peux l'aider. Pourquoi? Parce que moi, je suis capable de prendre toutes les explications qui font partie de sa cognition. Je suis capable de prendre toutes les explications qui font partie de l'anticognition, ce qui amène à la dissonance. Je suis capable de lui amener une explication qui va fusionner les deux ou qui va délicatement en éliminer une. Mais habituellement, moi, je fusionne tout. Bon. Alors, l'individu qui me rencontre, que ce soit le raélien qui se pose des questions, je vais expliquer. Qui que ce soit, je peux lui expliquer. Et dans mon explication, c'est de l'explication pour éliminer une dissonance cognitive. Ça veut dire quoi? Puis là, on approche, on est rendu sur le point important, qui est la question. Si tout ce que je te dis, c'est uniquement pour que tu ne souffres pas, la réalité dans ce que je te dis fait nécessairement partie du mensonge cosmique. Okay. Peux-tu te rappeler où tu es rendu? Je vais revenir avec d'autres choses. Parce que venir t'écouter aujourd'hui, ça fait partie... ça fait partie de la curiosité. Oui. Parce que la curiosité, il y a personne qui est venu ici pour... Il y a aussi le besoin de cesser de souffrir. Quand on parle de souffrance, pour toutes les affaires avec un kid... Oui, mais le monde ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils vont souffrir encore plus. Parce que... C'est une folie. Total. Mais non, parce que... Une dissonance. Là, je dirais que je ne suis pas une dissonance. C'est que je ne suis pas capable de dire, mais je le sais. Oui, parce que ça dissonne. Ça dissonne que je... Je comprends pas. C'est que... Ce que je veux... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'y a personne qui est venu ici pour entendre parler de la dissonance. Le monde savent qu'il dissonne, c'est tout. Bon, vive avec ça. Là, tu t'en viens tout là, aujourd'hui, c'est que... Tu es en train de dire que c'est tout faux, ça, là. Démolir n'est pas le vrai mot. Expliquer. Oui, OK. Expliquer que c'est de la foutaise. Non. Expliquer le principe même de l'explication. Expliquer que c'est un mensonge, en tout cas. Oui, puis que finalement, mais ce que moi je veux dire, c'est que c'est bien... Non. Non, c'est important. OK. C'est un mensonge! Oui, c'est bon, mais un mensonge. Un mensonge, là, c'est comme un... l'air dans un pneu, tu sais. Respire la poids, c'est de l'air, mais... En tout cas, l'air d'un pneu après 3000 km. ça a une particularité caoutchouteuse. Mais c'est de la... Le mensonge, c'est pas un péché. Le mensonge, c'est pas une maladie, c'est pas un problème. C'est pas l'absolu. Ça crée des problèmes, en tout cas. Non. Ben oui. Non, parce que l'humain s'attache à tout ça. Mais je parle pas du mensonge psychologique, je parle du mensonge psychologique. Qu'est-ce que je... Hey, mensonge cosmique. En tout cas, moi. Excuse-moi, ça manque. Ben oui, mais ça crée des malaises. Non, non, tout ce que. L'humain est tout croche à cause de ça. Non, l'humain n'est pas tout croche à cause de ça. Ça, c'est une explication, on va t'en donner une autre. L'humain est tout droit grâce à ça. Il est moins croche. C'est ça. Ça, c'est l'explication qui allie les deux. Là, on est d'accord. Mais dans l'absolu, autant qu'on assiste nos chaises. Oui, mais psychologiquement, c'est pas droit, tu sais. On est torturé. On est torturé uniquement parce que... Surtout sachant comment on peut être confortable. Bon. Puis on n'est pas dans cet état-là. L'être humain, ça c'est la partie qu'il faut comprendre. L'être humain, là, il est bâti comme ça avec deux canaux, même pas avec un canal. Dans le canal qui est ici, l'énergie qui descend là-dedans, elle descend en ligne droite, elle est parfaite, pas perturbée. Ça, c'est le savoir. Moi, je l'ai. Puis il y a plusieurs qui vont l'avoir. Je parlerai régulièrement. Mais le savoir, lorsqu'il descend dans le règne humain, il crée des perturbations. Les perturbations qui sont créées ici sont ce qu'on appelle la psychologie. C'est l'astral. Okay? C'est des remous. C'est l'astral de l'humain. Son ego, son âme, ce qu'il croit, ses désirs. Ce sont des perturbations. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le travail, c'est qu'on doit progressivement s'arranger pour contrôler les perturbations qui t'empêchent de bouger dans le temps. T'empêchent, là, je saute des trucs, mais on doit parvenir à mettre des explications qui vont être capables d'atténuer les perturbations autour pour rendre beaucoup plus, pour rendre beaucoup plus lisse toute l'énergie qui circule à côté, qui est présentement perturbée dans le monde astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'énergie que je descends, il y a de l'énergie qui est totalement linéaire, qui est droite, qui est pure, qui est correcte. Sauf que chaque fois que j'amène cette énergie-là, elle est à côté de perturbation. La perturbation, c'est une explication. Bon. Le rôle de celui qui va parler, progressivement, ça va être de prendre les perturbations énergétiques qui existent déjà là, puis de les rendre le plus linéaire, le plus lisse possible autour du canal. Pour calmer. Pas calmer psychologiquement, pour calmer les remous qui sont autour, de façon à ce que l'humain puisse descendre sa conscience d'une façon pure dans l'astral. Donc, sur la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie de tout ce que tu sais est vrai. C'est fictif. Mais chaque fois que tu en parles, c'est faux. Rien de fictif. Chaque fois que tu veux me parler de quelque chose que tu sais qui est vrai, tu fais passer l'énergie, t'engendres plein de remous. Présentement, les capteurs humains sont des capteurs à remous. Ils sentent l'énergie, mais retiennent le remous, l'explication. Donc, progressivement, plus ça va, plus les explications doivent lisser l'air qui est autour. Donc, on a notre être humain, il y a de l'énergie qui le traverse, puis les explications doivent, si possible, atténuer les remous qui sont autour. Et plus l'explication sera proche de l'énergie, on dira de l'absolu, plus l'être humain va être capable de vivre de son énergie d'absolu. Sauf que l'humain vit de son énergie d'absolu, toujours par le biais de l'explication dans ce monde-ci, l'humain est capable de constater qu'il est bien parce que le remous est calme. Pas parce qu'il a de l'énergie de bien-être. L'humain est capable de constater qu'il sait de plus en plus où il va, parce qu'il a des explications de plus en plus en harmonie avec sa source. Mais l'humain ne le sait pas encore par perception intérieure. Par exemple, moi, je sais exactement où l'humanité s'en va, je sais exactement où mon humanité s'en va, je sais exactement où je vais, je sais exactement où tu vas, je sais exactement où tout le monde va. Sauf que si, pour te communiquer, je devrais t'envoyer un petit peu d'énergie, l'énergie que je vais t'envoyer, je l'envoie dans une région très perturbée de ta constitution, et il y aura donc un remous majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour t'expliquer, pour que tu comprennes, où tu vas, il va falloir que je te mette, il va y avoir une explication extraordinairement grande, majeure, qui va être en correspondance avec le remous majeur qui va être créé quand je vais essayer de te dire où tu vas. Autrement dit, je vais te dire lentement où est-ce que tu vas, puis toi, tu vas commencer à me poser des questions. Pourquoi? Parce que veux pas l'énergie que je t'amène créer des turbulences. Les turbulences, c'est une cognition qui est problématique. Ça va engendrer des dissonances. Tu vas me poser des questions, c'est-à-dire que tu vas essayer de créer une turbulence qui n'est plus en affinité avec ce que tu es. Donc, à la fin de mon explication de quelques années, tu sauras où que tu vas, mais moi, je pourrais te dire que tout ce que tu sais, ce n'est pas ça. Tout ça, tu vas te dire encore, ben, ouais, mais d'abord, tout est faux. Non, il y a un filament énergétique qui est parfait, mais tout ce que tu as dans l'explication, ce n'est pas ça. Bon, un exemple, pourquoi dernièrement as-tu accepté de donner un cadeau à quelqu'un? C'est à cause de la pureté du fil. Oui, OK. Mais avant la conférence, tu avais d'autres explications à donner, là. Connard. Non, mais là, je suis dedans, là. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est logique d'aider les personnes qui sont jeunes. Ça, c'est une explication. En réalité, moi, je pourrais simplifier ça parce que tu es un bon gars. Bon, ça, c'est presque sans remous. Mais l'être humain va dire, oui, mais c'est parce que c'est préférable de, bon, tu auras explication. Une autre explication, et moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé avoir ça. Mais tout ça, c'est faux, là. C'est tout beau. Ben, un chrétien va dire, ben, c'est ça l'esprit chrétien. C'est toujours pas ça. Là. Un autre va dire, ah, moi, c'est de l'investissement en réalité. Ben, moi, j'ai une justification, puis le reste, c'est parce que je donne pas d'argent à personne. Mais la première raison, c'est que c'est bâtir ce quoi vers je veux aller. Bon, ça c'est encore une explication sous ton remous. Ben vois-tu, c'est celle-là que je trouve la plus vraie. La moins turbulente en parallèle avec l'énergie qui t'anime. C'est la moins turbulente. Donc, c'est l'explication la plus simple. Et évidemment, elle pourrait être complexisée. Ah ben, bon, t'es égoïste en maudit. Tu penses à toi, tu penses à l'avenir. Ah oui, ben oui. Je vais te dire oui, mais c'est toutes tes explications qui sont fausses. C'est de toute façon que tu vois là. Même pas besoin de penser à toi, de toute façon, c'est pas. Oui, mais... Oui, mais il faut des explications pour la dissonance. Là, oui, mais c'est... On vient là-dessus, on fait une pause.